À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le 21 juillet a eu lieu un rassemblement commémoratif à Sofia, Bulgarie. Y étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont participé les personnalités des partis politiques et des formations, notamment le Parti des communistes bulgares et l'Association d'amitié Bulgarie-Corée, ainsi que les habitants du pays hôte. Au rassemblement, on a adopté des messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.